Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu as la grâce de connaître Jésus, mon frère. Tu as la grâce de devenir enfant de Dieu, ma sœur. Regarde ta famille, combien sont ceux-là qui sont déjà morts. On a signé un contrat pour te détruire, mais le Seigneur a eu compassion de toi. Il a dit, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Oui, réveille-toi pour commencer à bénir ce Dieu. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons bénir l'Éternel. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Notre texte de base d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par leurs œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ces passages. Voici la première grande vérité. Elle concerne notre situation avant de connaître Jésus-Christ. Ici, il y a cinq éléments qui démontrent notre état avant de connaître Jésus-Christ. Paul dit premièrement que nous étions morts par nos péchés. Le verset 1 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Il s'agit ici de la mort spirituelle qui est la condition de toute personne sans Christ. Depuis Adam, toute personne sans Jésus-Christ est morte spirituellement. Même si vous marchez, je parle à quelqu'un, même si vous roulez à bord d'une voiture, vous allez dans des boîtes de nuit, mais spirituellement vous êtes mort. Quand tu vois un ami, un membre de famille, un parent qui ne connaît pas Jésus, tu dois considérer la personne comme un cadavre qui a besoin de la vie. Deuxième élément, il dit, nous étions dans le péché, nous marchions dans le péché. Il dit au verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une vie normale pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Nous étions dans le péché, c'est-à-dire notre vie était caractérisée par le péché. Donc, ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un qui est sans Christ marcher dans la débauche, marcher dans l'ivrognerie, marcher dans le mensonge, marcher dans la cupidité, dans l'idolâtrie. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous étions là parce que nous n'avions aucune force de résister contre le péché. Troisième élément. Nous étions guidés par l'esprit du diable. C'est ce que Paul veut dire ici quand il dit « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. » Vous voyez, il prend un langage imagé. Il montre que avant Christ, nous étions dans un train, dont le capitaine, c'est le diable ici. Il appelle ici le prince de la puissance de l'air. C'est un autre nom de Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Toute personne sans Christ est guidée par cet esprit. C'est ce qui explique le fait que la personne est conduite toujours à faire le mal parce qu'elle est conduite par le diable. Vous voyez, de manière naturelle, depuis la chute d'Adam, toute l'humanité est tombée sous l'esclavage de Satan. L'homme sans Christ, il est sous l'esclavage de Satan et qui est guidé par le diable, par ce qu'on appelle ici l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Troisième, quatrième caractéristique, nous marchons selon les convoitises de la chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Vous voyez, quand on parle de la chair ici, il s'agit de notre ancienne nature. Nous accomplissons les désirs de la chair et de nos pensées. C'est-à-dire que c'est ce que notre chair demande, notre nature pécheresse. Nous étions esclaves, alors que notre nature pécheresse nous pousse toujours à faire des choses contraires. Notre nature pécheresse nous pousse par exemple à la gourmandise, nous pousse par exemple à commettre l'idolâtrie, nous pousse par exemple à la débauche, à tous les dérèglements sexuels, vous voyez. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent sous des vices sexuels, ils vivent selon les convoitises de leur chair. Et ce n'est pas normal que lorsque quelqu'un qui accepte Jésus-Christ vive encore sous la chair, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Et cinquième élément, Paul dit, nous étions par nature les enfants de colère. Il veut montrer que le péché dans la vie de l'homme, c'est une question naturelle, c'est-à-dire par nature. Même si apparemment, tu ne commets pas des péchés grossiers que l'on voit, tels que le meurtre, le vol, l'ivrognerie, ainsi de suite. Mais par nature, depuis Adam, nous héritons cette nature pécheresse adamique, vous voyez. Il y a des gens qui pensent que même s'ils sont moralement bons, il y a quelqu'un qui peut dire, bon, moi, lorsque je bois, je peux m'enivrer, mais je ne me bagarre pas, je ne taquine personne, je dors. Non, tu es pécheur par nature. Aucune personne sans Christ ne peut s'approcher de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous étions par nature les enfants de colère. C'est-à-dire que nous étions destinés à la perdition, à la condamnation éternelle. Vous voyez. Deuxième vérité, elle nous montre maintenant le changement de notre état ou de notre identité. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où nous recevons Jésus, à partir du jour où tu as accepté Jésus, il y a un changement qui s'est produit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois éléments. Il nous dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Vous voyez, avant, nous étions morts par nos péchés. Quand tu acceptes Christ, Jésus vient dans ta vie. Le Saint-Esprit vient. Il te ressuscite. Tu passes de la mort à la vie. Tu reçois ce que la Bible dit, la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Deuxième élément, on dit, en Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et c'est ce qui se passe lorsque nous acceptons Christ. Nous passons par le miracle de la nouvelle naissance. Nous passons la mort à la vie. Il y a une résurrection qui se passe. C'est ce qui peut expliquer le changement de vie. Vous voyez, Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ta vieille personne a été crucifiée. Vous voyez? Et tu es ressuscité ensemble avec Christ. Et troisième élément, Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Même si physiquement, tu vois comme si tu marches sur cette terre, mais spirituellement, tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que comme Jésus est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toutes tes puissances, de toutes tes dominations, de tous les démons, toi tu es assis avec Jésus et les démons, les puissants des ténèbres te sont soumises au nom de Jésus parce que tu es assis avec Christ. Tu es assis, c'est-à-dire que tu jouis d'une position d'héritier de Dieu et de cohéritier avec Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes avec Jésus. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Et Dieu a fait toutes ces choses à cause de son amour et à cause de sa miséricorde. Vous voyez, il est dit au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » troisième vérité concerne le salut. Il y a quatre éléments que Paul mentionne ici. D'abord, il dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le salut est une grâce de Dieu. Vous voyez, il y a la grâce, c'est le côté divin. Dieu, il a envoyé son propre fils Jésus-Christ. C'est lui-même qui a décidé de livrer son propre fils Jésus, mourir sur la croix à notre place. L'homme n'a pas à commettre un effort quelconque. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, j'ai donné de l'argent. Non, c'est une grâce. Mais il dit au moyen de la foi, il y a les côtés de l'homme, vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que l'homme lui-même place sa foi en Jésus-Christ. Il faut que l'homme décide, bien que Jésus soit mort sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans, il faut que l'homme lui-même puisse croire en Jésus-Christ, vous voyez? Dieu ne force pas une personne, il nous a créés avec le libre arbitre. Il faut que chaque personne décide, lorsqu'elle entend l'évangile, pour dire oui ou non à Christ. C'est pourquoi on dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais le deuxième élément, l'apôtre Paul dit, le salut c'est un don de Dieu. Ça c'est un mystère. Cela veut dire que le fait même que tu puisses croire en Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'a aidé par son esprit, qui t'a éclairé. Parce que tu fais partie des élus de Dieu. Vous voyez, c'est en cela que Paul dit, le salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Troisième élément, il dit, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. C'est pourquoi il ajoute en disant, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas ta dîme qui peut te sauver, bien que la dîme soit nécessaire. Ce n'est pas la construction d'une cathédrale, d'un temple qui va te sauver. Tu peux construire des orphelinats, non, ce n'est pas ça. Sinon, ce seraient les plus riches qui seraient sauvés. On dit, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Il dit, afin que personne ne se glorifie. Si on était sauvé par les œuvres, il y a des humains qui allaient dire, bon, moi, c'est parce que j'ai commis tel acte, parce que j'ai construit les orphelinats, parce que j'ai visité les malades, parce que j'ai fait telle chose, c'est pourquoi je suis sauvé. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Donc, il y a des gens qui seront surpris, qui iront tout droit en enfer, malgré des œuvres qu'ils ont accomplies. Quatrième vérité, l'apôtre Paul montre l'importance des œuvres. Bien que les œuvres ne nous sauvent pas, mais il nous montre que les œuvres, c'est la conséquence de notre salut. C'est-à-dire, si moi je suis sauvé, je suis chrétien, je ne peux pas croiser les bras en disant, bon, je suis sauvé, ça me suffit. Nous devons produire des bonnes œuvres, vous voyez? C'est pourquoi il dit au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons produire des bonnes œuvres. Parce que même l'apôtre Jacques va dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte ou inutile. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. L'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, sans son mal. L'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, sans son mal lavé m'a racheté et l'Esprit Saint. C'est mon histoire, suis tombé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué mon sauveur le jour du vent. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué mon sauveur. Gloire à Dieu, le Père, gloire au Fils Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons tous ensemble nos voix pour bénir ce Dieu, pour la richesse de son amour et de sa miséricorde, pour ce salut gratuit qu'il nous a accordé en Jésus. Sois béni, éternel notre Dieu, toi qui nous as sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Nous t'élevons, ô Jésus, toi qui nous as rachetés, qui nous as ressuscités et qui nous a fait asseoir à la droite du Père. Nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions pour le salut que tu nous as accordé gratuitement. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur, toi qui as fait de nous des co-héritiers avec toi. Nous élevons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu, pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sois béni, ô notre Seigneur. Sois béni, le Seigneur des gloires. Sois béni, le Dieu plein d'amour, le Dieu qui nous a sauvés, non pas parce que nous étions meilleurs, mais par pure grâce. Nous t'élevons en ce moment dans nos vies et nous te glorifions. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Le texte du jour, c'est Éphésiens 2, 1 à 10. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités. Notre état avant de connaître Jésus, nous étions morts par nos péchés. Nous marchions dans les péchés, nous étions guidés par l'esprit de Satan, nous marchions selon la chair, accomplissant les dits de la chair, nous étions par nature les enfants de colère. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos amis, prions pour nos parents qui vivent encore dans cet état, qui sont encore de mort spirituelle. Prions pour que Dieu se révèle à eux, afin qu'eux aussi puissent jouir de ce salut. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérons. Opération Tendre Père, ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Nous rendons gloire et honneur pour ton nom. Nous nous prosternons devant toi avec des ornements sacrés. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as délivré des puissances des ténèbres et tu nous as transportés dans ta lumière puissante. Nous sommes reconnaissants du fait que pour t'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau et nous avons la vie éternelle. Ce matin, nous prions pour nos proches, nous prions pour nos amis, nous prions pour nos collègues et connaissances qui ne t'ont pas reçu, qui sont encore dans l'état de mort spirituelle. Nous demandons au Père éternel que tout obstacle à leur illumination soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au Père que tu te révèles à eux et qu'ils puissent véritablement jouir de ce salut. L'apôtre Paul, appelé à l'époque Saul de Tarse, lorsqu'il ne te connaissait pas, il combattait les voies du christianisme. Mais lorsqu'il t'a rencontré sur le chemin de Damas, les écailles sont tombées de ses yeux et il a reçu ton fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous prions et nous déclarons que toute écaille, tout obstacle à leur réception de l'évangile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que la rosée descende du ciel et leur apporte un rafraîchissement à la gloire de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir notre situation après avoir rencontré Jésus. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas confesser ta position en Jésus-Christ, que tu es ressuscité, assis avec Jésus dans le lieu céleste, et tu vas marcher sur toutes les forces des ténèbres. Tu vas déclarer qu'aucune puissance des ténèbres ne peut encore dominer sur ta vie parce que tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste. Prie le Seigneur. La gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la victoire. Gloire te soit rendue parce que tu es ressuscité. Et nous sommes assis avec toi dans les lieux très élevés. Ce matin, nous sommes dans la joie. Et nous avons en toi, nous avons la victoire. En toi, notre Dieu, tu nous as donné le pouvoir de guérir toute infirmité, de chasser les démons, et de guérir toute maladie. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sous le pouvoir des serpents, des pythons, des scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Nous savons à qui nous avons cru que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne parce que le pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. En toi nous avons la victoire. Gloire te soit rendue à jamais. Puissance à toi seul, parce que tu es notre avocat. À toi la gloire ce matin, pour cette grâce, cette faveur que nous avons en toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Mais l'apôtre Paul nous montre l'importance des œuvres. Nous sommes créés pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparé en avance. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'aide, pour qu'il t'aide à produire des bonnes œuvres, afin que lorsque les gens te voient, ils voient réellement un changement. Ils voient que ta vie produit des bonnes œuvres qui honorent le Seigneur au nom de Jésus. force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Grâce, honneur, puissance te soit rendue au siècle des siècles. Ce matin, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme reconnaît que c'est toi qui es la source de toutes les bénédictions. Nous nous sommes réveillés par ta grâce et nous pouvons voir, nous pouvons nous mouvoir. Béni sois-tu, toi qui nous enseignes que un bon apporte de bons fruits. Merci pour le témoignage de ton nom qui est en nous, en tout temps et partout, Seigneur. Nous voulons être des fidèles, serviteurs, des servantes. Nous voulons être des chrétiens engagés. Nous voulons être des personnes dont le langage, les pensées, les actes te témoignent. Merci pour les œuvres que tu nous donnes d'accomplir. Des œuvres de charité, des œuvres d'amour, des œuvres d'entraide. Nous voulons être par ta puissance, être des canaux pour réconcilier le monde avec toi. Nous voulons être des réconciliateurs, des hommes qui appellent d'autres personnes à la repentance par notre manière de faire, par notre manière d'être, par ce que nous disons. Éternel notre Dieu, ce matin, je prie que tu façonnes le cœur de quelqu'un pour que nous soyons encore et encore des hommes habiles, sages, dans la marche de tous les jours, pour que notre vie parle de toi, témoigne de toi. Bénis et visite quelqu'un en ce jour. Merci d'aider et de fortifier la foi de quelqu'un, à ranger sa vie, à te plaire et à être un témoin. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre en nous. Gloire et honneur, magnificence à toi Jésus-Christ, toi qui nous rends capables de faire ces choses. Amen. Amen. Nous voulons rappeler notre rencontre bonheur conjugal. Ce sera une rencontre mixte, c'est-à-dire les célibataires tout comme le marié. Nous allons nous retrouver ce dimanche 15 novembre 2015 à partir de 17h au CPE. Thème, comment prier pour la protection de nos vies et de nos familles en cette période de fin d'année. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant. Besoin